Sans cesse murmurer, et moi y'a qui, mais pensez, quoi, et quoi, désert, je ne peux plus me contrôler, quoi, sans cesse.